Gonzalez, Gonzalez. Reviens donc ici, petit Gonzalez. Oh, c'est maman qui te dit ça. Sinon, tu connais papa. Lui, il n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais. Il te faut les recommencer. Petit Gonzalez. Je t'en prie, reviens. Je ne veux pas. Petit Gonzalez. Okay. Pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Est-ce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Nous verrons à ton retour, ouais. Surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main te caresser le bas des reins. Écoute-moi et ne dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi n'auras-tu donc jamais pitié? Entends, je ne peux plus crier. Petit Gonzalez, je t'en prie, reviens. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Est-ce que j'ai rendez-vous?